Chapitre 3. Pourquoi Roger s'était-il épris de cette énigme vivante? Pourquoi lui, qui pouvait choisir parmi toutes les jeunes filles du pays et de la ville voisine, avait-il vécu depuis 18 mois dans une retraite presque absolue, voyant rarement la jeune femme et ne trouvant plus de plaisir auprès d'aucune autre? C'est peut-être parce qu'il avait trouvé en elle ce qui précisément manquait aux autres, l'intelligence pour partager ses goûts artistiques, fruit de ses études, la connaissance du monde, qui fait que l'on s'entend aussitôt entre gens bien élevés, et la beauté absolue, celle des lignes, qui éclaire comme une flamme intérieure, le sens du beau et du bien poussé à sa plus haute limite. Il l'aimait, et ne pouvait le lui dire. Entre elle et lui, elle avait toujours placé une barrière infranchissable de dignité glaciale. Pourquoi aujourd'hui avait-elle levé un coin du voile qui couvrait sa vie mystérieuse? Et lui, chose bizarre, au lieu de se sentir froissé de ce demi-aveu, il en éprouvait une sorte de joie inquiète et troublée. C'est qu'il vivait loin du monde. Lui aussi n'avait trouvé qu'un métal méprisable en échange de ses trésors, et le monde lui importait si peu qu'il ne tenait plus à lui. Mais elle, n'aimait-elle vraiment plus rien? Jadis, dans leurs premiers entretiens, elle avait paru détachée de tout. Une amertume souveraine, un dédain glacial, était le fond de sa philosophie. Mais en ces derniers temps, elle avait semblé s'attendrir. Parfois, sa voix émue avait laissé tomber l'entretien commencé. Sentait-elle la vie revenir à son âme desséchée? Ce n'est pas à 24 ans qu'on est sûr d'être à jamais morte au bonheur. Tout en songeant à ces choses, il la regardait, et s'efforçait de deviner quelle pensée douloureuse attachait ses yeux sur l'océan en furie. Il vit une larme, ce n'était pas une goutte d'eau, se détacher des longs cils noirs et rouler sur les joues pâles, où le poudrin de la mer attirait une teinte à peine rosée. Les larmes se succédèrent lentement d'abord, puis plus pressées, et lui n'osait parler, n'osait approcher, craignant de lui rappeler sa présence peut-être oubliée, craignant de la faire s'enfuir pour cacher la faiblesse de ce cœur jusqu'alors si bien fermé. Que n'eût-il pas donné pour essuyer avec ses lèvres ses larmes silencieuses, irrécusables preuves de longues douleurs subies dans la nuit et dans la solitude? Qui donc avait pu la blesser, cette âme fière, si digne d'estime et d'amour? Ah, quel que fût son destin dans le passé, elle avait été victime, non coupable, ses yeux purs et son front honnête l'attestaient hautement. Les vagues énormes déferlaient devant eux, si près qu'elles semblaient à chaque fois vouloir les engloutir. Elles accouraient du large avec une crête d'écume de plus en plus haute et mousseuse. À travers l'onde glauque, on voyait la clarté du soleil. Souvent, un rayon jaune filtrait, bien loin, sur le sable fin qui laissait voir la vague transparente. Elle approchait rapidement, haute de 15 pieds, se recourbant en volutes frangées. Arrivée au bord du galet, elle s'écroulait tout d'une masse, comme s'écroulerait un palais, avec un bruit terrible, et se précipitait à l'assaut des galets, puis, redescendant la pente du rivage, courait à la rencontre d'une autre qu'elle prenait corps à corps et réduisait en poussière d'écume impalpable et salée. Les flocons que les marins appellent les papillons blancs de la mer s'envolaient au fond des terres où les moutons parqués dans la lande les voyaient avec surprise tomber sur les fleurs des ajoncs. La jeune femme tourna la tête vers Roger. Le vent avait séché ses larmes, et de son désespoir récent, il ne lui restait plus qu'une expression navrée. Elle se leva et dit quelques mots. Il ne pouvait l'entendre au milieu de ce fracas, et elle se rapprocha pour pouvoir lui répondre. Ils étaient tout près l'un de l'autre. Cependant, il restait entre eux un petit espace qui ne permettait pas même à leurs vêtements de se toucher. Elle lui montrait du doigt, à quelque distance, un objet sombre qui, porté par les eaux, avançait et reculait sans pouvoir toucher le rivage. Cependant, repris par une vague plus forte, il se trouva bientôt sous leurs yeux. Dans l'onde verte et transparente, il semblait d'un noir intense. C'était une simple planche arrachée à quelques barques. Elle ne portait aucune indication et n'offrait rien d'intéressant. « C'est une épave, » dit Roger. Pour s'entendre, ils devaient se parler à l'oreille, et son souffle effleura la joue de sa compagne. « En arrive-t-il beaucoup ainsi ? » demanda-t-elle d'une voix lente comme épuisée par l'intensité de la douleur. « Parfois, après les grandes tempêtes, quoique ce soit défendu par les lois, on n'ôtera pas de la tête des paysans que le droit d'épave est un droit sacré. »« Le droit d'épave, » répéta la jeune femme, en tournant la tête vers Roger. Elle vit alors dans ses yeux profonds l'immensité d'une douleur irrémédiable. Il vit aussi, tels que le rayon jaune dans la vague transparente, la clarté d'une tendresse douloureuse qui s'épanchait sur lui, sans joie et sans espoir. Troublé, il continua. « Oui, dans leur idée, l'épave appartient à celui qui la sauve. Ils ont parfois bien du mal à la disputer à la mer. Ils la tirent à grand-peine hors de la portée des vagues. On ne peut leur persuader ensuite qu'elle n'est pas à eux. C'est la loi du pays. L'épave est à celui qui l'a sauvée. » Elle répéta machinalement. « L'épave est à celui qui l'a sauvée. » L'épave allait et venait sous leurs yeux, tantôt rejetée sur le sable, tantôt reprise par la vague, tournée et retournée 100 fois en une minute.